الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، on continue dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan de ce livre de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Et on continue l'explication du hadith Al-Qudsi يعني dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. Donc on est arrivé dans la partie du hadith où le cheikh il explique la suite de la parole d'Allah dans le hadith al-Qudsi. Et lorsque je l'ai aimé, c'est-à-dire le début pour dire qu'est-ce que wa alaykoum salam wa rahmatullah, le début du hadith c'est mon serviteur ne peut se rapprocher par quelque chose ou ne peut se rapprocher de moi par quelque chose de plus aimé de ma part que ce que je lui ai ordonné de faire, ce qui est obligatoire pour lui. Donc la chose que Allah aime le plus de la part du serviteur et qu'il aime le plus, c'est qu'on fasse ce qui est ordonné, ce qui est obligatoire. Et ensuite, il dit, et mon serviteur continue de se rapprocher de moi en faisant les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc quand tu fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne et en plus tu rajoutes les actes surérogatoires, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime par la suite. Tu deviens un wali d'Allah. Et ensuite, il explique, une fois que je l'ai aimé, je serai son ouïe par laquelle il entend, je serai sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il frappe, et son pied par lequel il marche. Et dans une autre narration, il est dit d'une autre façon, c'est-à-dire c'est par moi qu'il voit, c'est par moi qu'il entend, c'est par moi qu'il verra, c'est par moi qu'il frappe, et c'est par moi qu'il marche. Donc on va lire maintenant l'explication de ce hadith, parce que ça arrive parfois que certains, parmi les gens de déviation et de l'égarement, déforment le sens de ce hadith-là et ils essaient de l'interpréter en lui donnant un sens qui est totalement contraire à la signification du hadith. Donc le cheikh il explique, il dit, Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, il dit هذا فيه أن الله يكون معهم ويوفقهم ويسددهم في حركاتهم وفي حواسهم وأعضائهم فيستعملونها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقوله فبيسمع وبيبصر يفسر قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها في أنه لا يسمع إلا ما يفيده وينفعه. يسمع القرآن، يسمع الذكر، يسمع العلم، لأن الله سدده في سمعه، ويتجنب المحرمات فلا يسمع اللغو واللهو والأغاني والمزامير والغيبة والنميمة، ولا يسمع شيئا مما يسخط الله، وكذلك لا يبصر إلا ما ينفعه من النظر في مخلوقات الله وفي آيات الله، يتدبر ويتأمل ويستدل بها على قدرة الله وعلى ووحدانيته واستحقاقه للعبادة، ولا ينظر إلى المحرمات كأن ينظر إلى النساء أو أن ينظر إلى المظاهر الكريهة أو إلى العورات أو إلى ما يسخط الله عز وجل، عملا بقوله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولأن الله عز وجل قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فهو يستعمل سمعه وبصره فيما ينفعه ويفيده ويترك ما يضره ويفسد عليه دينه وأخلاقه وكذلك لا يمشي إلا فيما فيه مصلحته. Donc on va expliquer cette partie, puis on va expliquer la reste, le reste par la suite. Le Cheikh, il dit que ici Allah subhanahu wa ta'ala mentionne d'autres parmi les caractéristiques des awliya, c'est-à-dire des serviteurs pieux et rapprochés d'Allah, hein. Et il mentionne parmi leurs caractéristiques le fait que ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne également, donc il dit que lorsque le serviteur, hein, il fait ce que Allah lui ordonne et ce qui est recommandé, eh bien Allah va l'aimer et Allah va être avec eux. Allah va être avec eux dans le sens qu'il va leur donner le succès, il va les supporter, il va les aider dans tous leurs mouvements, dans tous leurs sens, dans les sens de les cinq sens qu'ils possèdent dans leur corps et leurs membres. Et il va faire en sorte qu'ils utilisent leurs sens et leurs membres de leur corps dans ce qui est en accord avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on voit la parole d'Allah lorsqu'il dit c'est par moi qu'il voit, c'est par moi qu'il entend et c'est par moi qu'il voit, ça explique la parole dans le hadith lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre narration: je serai son ouïe par laquelle il entend, et sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il frappe, et son pied par lequel il marche. Il dit, c'est-à-dire que il ne va utiliser son ouïe que pour qu'est-ce qui est profitable pour lui et qu'est-ce qui est bénéfique dans sa foi et dans sa religion, dans sa vie d'ici-bas et dans son au-delà. Donc il va entendre, par exemple, il va écouter le Coran, il va écouter le dhikr, il va écouter la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le mettre sur la droiture dans qu'est-ce qu'il entend. Et la personne en question va s'écarter aussi de tout ce qui est interdit et de ce qu'il doit pas, de ce qu'il ne doit pas écouter. Donc il ne va pas écouter, les turpitudes, il ne va pas écouter, les choses futiles et les distractions interdites. La musique, les chants, la médisance, le fait de, il va pas entendre ou écouter les gens qui parlent dans le dos des autres, il ne va pas entendre quoi que ce soit de ce qui amène la colère d'Allah. De même que lorsqu'il va regarder avec ses yeux, il va uniquement regarder ce qui est bénéfique et profitable pour lui parmi les créatures d'Allah et parmi les créations d'Allah. Et parmi les signes d'Allah, et il va observer ces choses-là, et il va réfléchir sur ça, et méditer, hein, sur ces choses-là, et il va les utiliser comme preuve, c'est-à-dire il va utiliser les signes d'Allah, et la création d'Allah comme preuve de son unicité, de sa toute puissance, et du fait qu'il mérite, hein, qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et il ne regardera pas les choses interdites, comme le fait de regarder les femmes, le fait de regarder les choses qui sont détestables, le fait de regarder les parties intimes, hein, ou les formes du corps des femmes, ou bien le fait de regarder ce qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est-à-dire, il utilise ses sens dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans le but de mettre en pratique la parole d'Allah dans le verset 30 dans surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, aux croyants de rabaisser une part de leur regard et de préserver leur partie intime. Donc quand tu rabaisses une partie de ton regard de ce qui est haram, eh bien yani ça c'est pour mettre en application cet aspect-là, le fait de ne pas regarder n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, ils disent, Allah il m'a donné des yeux, donc pourquoi je ne peux pas regarder? Non, c'est pas parce que Allah t'a donné des yeux que ça veut dire que tu peux regarder n'importe quoi. Hein? Les yeux que tu as, c'est Allah qui te les a donnés par sa grâce. Et donc, tu dois les utiliser dans ce qui amène l'agrément d'Allah et dans ce que Allah aime. La même chose avec tes oreilles. Allah t'a donné des oreilles, pas pour que tu puisses écouter avec n'importe quoi, mais pour que tu puisses écouter avec des choses qui sont bénéfiques pour toi et profitables dans ta vie et dans ta religion. Alors, tu ne dois pas essayer de prétendre ou de dire par exemple, ah mais Allah il m'a donné des oreilles, je peux écouter ce que je veux avec. Non, tu préserves ton ouïe de ce qui est interdit. Tu préserves tes yeux de ce qui est interdit. Et aussi la même chose, que Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne quoi que ce soit et qu'il t'a créé d'une façon, tu vas pas utiliser ça comme un prétexte pour justifier de faire du mal avec ou de faire du désordre ou de faire des péchés avec ce que Allah t'a donné. Hein? Allah t'a créé très très fort physiquement, hein? Musclé. Tu dis, ah, Allah il m'a donné des muscles, il m'a donné de la force. Je peux frapper qui je veux, je peux battre qui je veux. Hein? Non. Ou une femme, Allah il l'a créée avec une belle silhouette, une belle forme. Elle dit, ben, c'est Dieu qui m'a donné ça, je dois le montrer. Non. C'est pas parce que Allah il t'a donné des formes ou quelque chose comme ça que tu dois l'utiliser d'une manière qui déplaît à Allah et d'une manière que Allah a interdite. Tout ce que Allah t'a donné, c'est une grâce de sa part. Et pour que tu sois reconnaissant envers lui et de l'utiliser dans ce qui amène l'agrément d'Allah et dans ce que Allah aime et non pas dans le péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 36 dans sourate Al-Isra, Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'oula. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit certes, l'ouïe, la vue et le cœur, de tout cela, il sera certes questionné. Hein? Il est responsable de ses sens, responsable de son ouïe, responsable de sa vue, responsable de son cœur. Et Allah va le questionner avec ses, va le questionner de ce qu'il a fait avec ses sens-là, avec ces choses-là qu'Allah lui a données. Hein? Donc, tout ce que tu regardes, Allah il va te questionner. Tout ce que tu entends, Allah il va te questionner. Tout ce que tu as eu dans ton cœur, Allah il va te questionner. Donc il utilise son ouïe, il utilise sa vue dans ce qui est bénéfique pour lui, dans ce qui est utile pour lui. Et il délaisse tout ce qui est nuisible et tout ce qui peut lui corrompre sa religion ou son comportement. Et de même que il ne marche que vers ce qui a ce qui est profitable ou bénéfique pour lui. Il ne va pas marcher avec ses pieds vers les choses interdites ou vers les choses nuisibles. Hein? Donc, par exemple, quelqu'un, il va utiliser ses pieds pour aller vers qu'est-ce qui est haram. Non. Allah t'a donné des pieds. Tu dis, ben, je peux aller où je veux avec. Non. Tu vas aller uniquement vers les endroits qui sont bonnes pour toi, bénéfiques pour toi dans ta foi, dans ta religion et dans ta dunya. Tu vas pas aller vers des endroits qui sont haram. Comme des gens qui vont dans les bars, dans les discothèques, dans les clubs ou les endroits comme ça. Et malheureusement, si tu vas dans le centre-ville les samedis soirs ou les vendredis soirs, tu vas trouver que la majorité ou une grande partie de ceux qui remplissent ces endroits-là, souvent c'est des musulmans. Beaucoup de jeunes musulmans vont dans ces endroits-là. Et on serait surpris de voir dans ces endroits-là des jeunes. Quand tu entends leur nom, ils s'appellent Muhammad, ils s'appellent Aïcha, ils s'appellent Fatima, ils s'appellent Bilal, et des noms comme ça, puis tu les vois dans des lieux pareils, en train de faire qu'est-ce qui est haram. Des garçons et des filles. Donc, des gens, ils sont surpris de ça, mais c'est la réalité malheureusement. Hein? Donc, pendant que nous, on est en train de faire Salat al-Isha, ou pendant qu'on se lève pour aller prier le Fajr à la mosquée, eh bien eux, ils sortent des discothèques ou des bars où ils sont allés faire le haram, où ils ont passé leur temps avec les shayatines, avec les diables, les alliés des diables. Donc ça c'est C'est des choses, Allah il va te questionner là-dessus. T'as des jambes, tu les as utilisées pour aller où? Il y a des gens qui n'ont pas de jambes, ils ne peuvent pas marcher. Hein? Ils ne peuvent pas marcher, malgré tout ils viennent à la mosquée. Hein? Ils utilisent les moyens qu'ils ont pour se diriger vers l'adoration et l'obéissance d'Allah. Toi, tu as des jambes, au lieu de les utiliser dans le halal et dans le bien, tu les utilises pour aller dans qu'est-ce qui est haram. Donc ça, c'est de l'ingratitude. Et la même chose avec ta main. Hein? Qu'est-ce que tu as fait avec? Comment tu l'as utilisé? Est-ce que tu l'as utilisé dans qu'est-ce qui est bénéfique? Dans qu'est-ce qui est bon? Ou bien tu l'as utilisé pour frapper, faire de l'injustice? Il dit, فَلَا يَتَنَاوَلُ الْحَرَامِ وَلَا يَضْرِبُ أَحَدًا بِيَدِهِ وَلَا يَظْلِمُ أَحَدًا لا يستعمل يده في الحرام والظلم وإنما يأخذ ويعطي ويعطي لله عز وجل فيستعمل يده في طاعة الله كذلك لا يمشي إلا لما فيه مرضات الله كالمشي إلى المساجد المشي إلى حلق الذكر المشي إلى طاعة الله أينما كنت يذهب إليها فلا يمشي إلا فيما فيه طاعة لله ولا يمشي إلى ما حرم الله ولا يمشي إلى المسارح والملاهي ودور البغاء والسينما والسينمات السينمات والمحلات محلات اللهو واللعب يتجنبها وإنما يذهب إلى الأمكنة التي فيها الطاعة والخير والذكر. Donc le cheikh il dit, la personne elle va pas prendre qu'est-ce qui est haram avec sa main, elle va pas utiliser sa main pour prendre ce qui est haram ou pour frapper quelqu'un avec sa main ou pour faire de l'injustice à quelqu'un. Il va pas utiliser sa main dans ce qui est haram et dans ce qui est injuste. Si quelqu'un, Allah lui a donné une force, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un, Allah lui a donné une force, il devient un allié des injustes, et puis il utilise sa force pour aider les injustes. Allah al-musta'an. Ça c'est pas bien, ça c'est haram. Donc il prend et il donne pour Allah. Il utilise sa main dans l'obéissance d'Allah. De même qu'il ne va pas marcher vers quoi que ce soit, excepté dans une chose dans laquelle il y a l'agrément d'Allah. Comme le fait de marcher vers les mosquées. Marcher vers les cercles de science. Subhanallah. Chaque pas que la personne fait quand il marche vers la mosquée, Allah lui pardonne un péché et il l'élève d'un degré. Chaque pas. Ça, c'est des actes qui tu utilises tes pieds dans qu'est-ce qui est bénéfique pour toi. Dans ton au-delà, tu vas voir les résultats de ça. Mais celui qui marche vers le haram, a'udhu billah. Donc tu marches vers l'obéissance d'Allah, tu vas vers l'obéissance, vers le bien. Illa fi ma fihi ta'atun lillah. Donc tu marches uniquement vers la chose dans laquelle il y a l'obéissance d'Allah. Tu marches pas vers le haram, tu marches pas vers les spectacles, vers les endroits de distraction. Tu vas pas marcher vers les maisons de prostitution, ou les endroits où il y a de la prostitution, des endroits où il y a, comme le cheikh il mentionne, les cinémas, les endroits où les gens vont pour regarder les films ou des choses comme ça. Tu vas pas t'en aller dans des endroits de perte de temps. Tu t'écartes de ce genre de choses. Et il dit, tu vas uniquement vers les lieux de l'obéissance, vers les lieux où il y a le bien, vers les lieux où il y a le rappel, vers les lieux où il y a l'enseignement de la science bénéfique. Donc c'est ça la signification de ce hadith. C'est pas comme les égarés parmi les soufis qui prétendent que lorsqu'ils font des actes d'adoration pour Allah, ils pensent qu'ils deviennent un avec Allah. Et que Allah devienne, rentre à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc ils disent, il devient son ouïe, il devient sa vue, il devient sa main ou son pied. Non, a'ouzoubillah. Ça c'est des croyances des mushrikin. Ça c'est des croyances de kufr, hein, et de shirk. Non, la vraie signification du hadith, celle qui a été mentionnée par les ulama et par les salafs, c'est le fait de comprendre que la personne qui est dans l'obéissance d'Allah et qui fait ce qu'Allah aime et que Allah aime, elle va utiliser ses sens dans l'obéissance d'Allah. Hein? Et elle va faire tout ce qu'elle fait avec ses membres, elle le fait dans l'agrément d'Allah et dans ce que Allah aime. C'est lui le wali d'Allah. Celui qui agit comme ça, c'est lui le wali d'Allah. C'est lui l'allié d'Allah, le rapproché d'Allah. Et il dit ensuite, wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'adha bi la u'idhanna wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabd nafsi 'abd al-mu'min yakrahu al-maut wa akrahu masa'atahu wala budda lahu minhu. Donc ici, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais traduire quelque chose, je vais le traduire la parole de la fin du hadith, puis après vous allez voir l'explication dans les propos de Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce que ça signifie, d'accord? Donc il dit, et lorsqu'il me demande, dans la fin du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsqu'il me demande, je lui donne, hein, s'il me demande quelque chose, hein, lorsque c'est un de mes walis que j'aime, et qui utilise ses sens et tout ce qu'il a comme membre dans l'obéissance d'Allah, quand il me demande, je lui donne. Et quand il cherche refuge en moi contre quelque chose, je vais le protéger. Et il dit, je n'hésite pas à propos de mon serviteur, je ne vais pas hésiter de faire quelque chose plus que l'hésitation que j'ai vis-à-vis de prendre l'âme de mon serviteur. Parce qu'il déteste la mort. Et moi, je n'aime pas lui faire ce qu'il n'aime pas. Et pourtant, il n'a pas le choix de mourir. Hein? Il n'a pas le choix de mourir. Donc, on va lire l'explication maintenant de cette partie du hadith. Le Cheikh dit, قال تعالى وَلَا إِنْ سَأَلَنِي لَأُطِيَنَّ وَلَا إِنْ إِسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ وَهَذَا أَيْضًا مِنْ ثَمَرَاتِ وَلَايَتِهِ لله عز وجل أن الله يجيب دعاءه ويعيذه مما يخاف من أعدائه وشياطين الإنس والجن يتولاه ويحفظه هذا نتيجة كونه وليا لله سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et s'il me demande, je vais lui donner. Et s'il cherche refuge en moi, je vais le protéger. Et ceci est le fruit de l'amour d'Allah pour lui et du fait qu'il est un wali d'Allah. Hein? Ça fait partie des conséquences et des fruits que la personne soit obéissante à Allah et rapprochée d'Allah et que Allah l'aime. Eh bien, tout ce qu'il demande à Allah, Allah va lui exaucer. Chaque fois qu'il va faire un dua, Allah va lui donner ce qu'il demande. Et quand il demande la protection d'Allah, Allah va le protéger. Parce qu'il est aimé d'Allah, parce qu'il est obéissant à Allah, et il s'écarte de ce que Allah n'aime pas. Hein? C'est un croyant sincère. Et il exauce son invocation, il le protège lorsqu'il a peur de ses ennemis, des ennemis parmi les shayatins, les diables, parmi les humains ou parmi les djinns. Et Allah subhanahu wa ta'ala le protège et le défend et le préserve. Et ça, c'est le résultat du fait qu'il est un serviteur rapproché d'Allah et que Allah l'aime. Et il dit ensuite, ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ هَلِ اللَّهُ يَتَرَدَّدْ فَسَّرَ هَذَا بِقَوْلِهِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ التردد في حق الله معناه كراهية هذا الشيء أن الله يكره ما يكرهه وليه يكره الموت فالله يكره ما يكرهه وليه هذا معنى ترددت يعني أكره ما يكرهه Et le cheikh, il explique la suite du hadith. Il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite dans le hadith, et je n'hésite pas, hein, de quelque chose que je fais, comme j'hésite de prendre l'âme du croyant. Il n'y a pas une chose que je fais dans laquelle j'hésite, hein, plus que le fait de prendre l'âme d'un croyant. Et le cheikh, il pose la question, il dit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala hésite? Et le cheikh, il dit, cette parole, du fait que Allah dit, je n'hésite pas ici, comme j'hésite de prendre l'âme du croyant, il explique sa signification en disant qu'il déteste la mort et moi je déteste ce qu'il n'aime pas. Hein? Je déteste faire ce qu'il n'aime pas, c'est-à-dire que par rapport à Allah, l'hésitation, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il déteste cette chose. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala déteste ce que son wali déteste. Hein? Donc, son wali, il déteste la mort. Donc, Allah déteste la mort parce que son wali le déteste. Et c'est ça la signification de l'hésitation ici. Hein? Qu'il déteste ce que le wali déteste. ثم قال عز وجل ولا بد منه قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت الله قضى وقدر أن كل نفس ذائقة الموت الأولياء وكل من له حياة وروح فإن الله قضى بالموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلا بد له منه ولكن الله يكره له ذلك ومع هذا يجريه عليه قضاء وقدرا. Donc le cheikh il dit que, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du hadith ولا بد له منه, mais il n'a pas de choix, hein, de mourir, yani il faut qu'il meure. S'il ne meurt pas, comment il va aller au paradis? Hein, le wali d'Allah, s'il ne meurt pas, comment il va aller au paradis? Il faut qu'il meure, il n'a pas le choix. Et le cheikh, il explique cette parole d'Allah en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 185, dans surat Al-Imran, « Kullu nafsin dha'iqatul maut »« Chaque âme goûtera à la mort. Hein? » Et ça, c'est une expression, hein, quand on dit « goûter à la mort ». La mort, ce n'est pas quelque chose qu'on mange pour qu'on puisse y goûter. Mais c'est le sens... Hein? C'est comme si c'est quelque chose qu'on expérimente, c'est quelque chose qu'on va vivre et tout le monde va y goûter, c'est-à-dire tout le monde va y passer, hein? Donc tout le monde va mourir, chaque âme goûtera à la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété et il a prédestiné que chaque âme goûtera à la mort. Et donc les alliés, les awliya, hein, toute personne qui a une vie et une âme, il va mourir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété la mort pour toutes les âmes. Donc ceux qui pensent que les awliya, ils meurent pas ou des choses comme ça, yani, ça c'est batil. Même Isa alayhi salam, il est monté aux cieux, hein, Allah l'a élevé vers lui. Mais il n'est pas mort encore, sauf qu'à la fin des temps, il va revenir sur terre et il va mourir, comme tous les autres êtres humains. Hein? Il n'y a pas une âme, excepté qu'elle va goûter à la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Et donc, il dit, le cheikh ensuite, toute personne qui a une âme, toute personne qui a une vie, elle va mourir. Parce que Allah a prédestiné la mort. Et il cite le verset dans Surat Ar-Rahman 26 et 27, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Kullu man alayha fan. C'est-à-dire, tous ceux qui sont sur la terre vont périr. Hein? Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Et c'est seulement le visage de ton Seigneur, hein, majestueux, le visage majestueux et noble de ton Seigneur qui va rester seulement. Tout le reste va périr. Il dit فلا بد له منه, donc t'as pas le choix de mourir. Et Allah, il l'a prédestiné. Même si la personne, elle n'aime pas mourir, mais Allah l'a prédestiné dans son décret divin et dans sa prédestination. Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite après ce hadith, وَهَذَا أَصَحُ حَدِيثٍ يُرْوَى فِي الْأَوْلِيَا. Et ça, c'est le hadith le plus authentique qui est rapporté au sujet des serviteurs pieux et rapprochés d'Allah. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit, هذا أصح حديث يروى في الأولياء وفيه رد على الذين يطعنون في هذا الحديث وهو في صحيح البخاري. Donc il y a dans ce hadith, donc le Cheikh dit que ça c'est le plus authentique des hadiths qui est rapporté au sujet des أولياء. Pourquoi? Parce qu'il y a des hadiths peut-être qui sont rapportés à propos des أولياء, mais ils ne sont pas authentiques. Et les soufis, parmi une de leurs caractéristiques, chez les soufis, vous allez remarquer une chose, c'est qu'ils se basent sur tout ce qu'ils trouvent, que ce soit authentique ou non. Donc ils vont prendre des hadiths qui sont fabriqués et des hadiths qui sont faux, hein, et que les ulama de hadiths ont classifié comme étant des hadiths fabriqués et faux. Eux, ils les prennent et ils les utilisent comme si c'était des hadiths authentiques. Et peut-être que même parmi eux, certains vont dire, hein, j'ai eu la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai demandé à propos de ce hadith que les muhaddithines ont déclaré faible ou faux ou fabriqué, et le prophète m'a dit sallallahu alayhi wa sallam que ce hadith il est authentique. Donc il se base sur qu'est-ce qu'ils ont prétendu comme ça, comme rêve ou comme apparition, pour essayer de déclarer ou d'authentifier des choses qui sont faibles ou qui ne sont pas authentiques. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il explique, il dit فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربه يعني عرض نفسه لغضب الله وعقوبته هذه هي المحاربه. Donc le cheikh explique que dans ce hadith il explique, le prophète صلى الله عليه وسلم explique que celui qui oppose un des rapprochés d'Allah, parmi ses serviteurs rapprochés, il s'oppose à lui, et il a de l'animosité contre lui, et bien il déclare la, c'est comme si Allah lui déclarait la guerre. Et il se met, c'est comme s'il se mettait à la merci de la colère d'Allah et de son châtiment, comme le Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué. Il dit ensuite, وفي الحديث الآخر أو في حديث آخر وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب يثأر يعني الحرب ينتصر لأوليائه من ظلمهم ومن عاداهم حينما يهجم على فريسته فهذا ليس من تشبيه المخلوق بالخالق وإنما تشبيه الثأر بالثأر للفعل بالفعل الليث هو السبع إذا أوذي واعتدى عليه أو اعتدي عليه فإنه يهجم على من آذاه وينتصر لنفسه فهؤلاء هم أولياء الله الذين أحبوا ما يحبه الله وأبغضوا ما يبغضه من الأقوال والأعمال والأشخاص فهم يحبون ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه الله ولا يحبون بموجب الهوى أو يعادون بموجب الهوى وإنما يوالون ويعادون في ذات الله لشيخ الزي الله عز وجل. Dans ce hadith, un autre hadith que le cheikh il a rapporté, et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi et Ad-Daylami, et Ad-Daylami, et il est rapporté également, il est mentionné par Al-Qurtubi dans son tafsir. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith? Il dit Il dit que celui qui, il dit je défends mes serviteurs rapprochés comme le lion, hein, lorsqu'il se positionne pour attaquer son ennemi ou sa proie. C'est-à-dire, يعني أي أخذوا ثأرهم ممن عاداهم. C'est-à-dire, je défends mes alliés contre ceux qui veulent leur faire, hein, des problèmes ou qui veulent s'opposer à eux. Comme le lion, hein, comme le lion fait, yani, lorsqu'il attaque ceux qui veulent, hein, venir l'attaquer ou des choses de ce genre. Et le cheikh, il explique que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il défend, hein, il défend ses alliés contre ceux qui veulent leur faire de l'injustice et comme ceux qui s'opposent à eux. Il dit de la même manière que le lion, et le lion, al-layth en arabe, c'est le lion, c'est une bête féroce, parmi les bêtes féroces, quand il attaque ou quand quelqu'un veut l'attaquer, et comment il se défend lui-même, eh bien, c'est la même façon que Allah subhanahu wa ta'ala défend ses serviteurs rapprochés. Il dit ici, c'est pas de faire ressembler le créateur à la créature, mais c'est plutôt de faire ressembler l'action à l'action, c'est-à-dire la défense, hein, et la défense de ce lion-là, par rapport, comme pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il défend ses serviteurs de cette façon-là aussi, hein, aussi avec, yani, pour dire de quelle manière il aime pas qu'on fasse ou qu'on porte atteinte à ses alliés proches. Donc quiconque essaie de faire du tort ou de transgresser ou de faire du tort à un de ses serviteurs pieux, eh bien il les défend. Hein, il les défend et il les protège contre ces transgressions-là et ces oppositions-là. Et il dit que ceux-là sont les serviteurs rapprochés d'Allah, ceux qui ont aimé ce que Allah aime et qui ont détesté ce que Allah déteste. Hein, parmi les actions, parmi les paroles, parmi les individus aussi. Donc le wali d'Allah, une de ses caractéristiques, c'est que ce que Allah aime, il l'aime. Ce que Allah déteste, il le déteste. Que ce soit des paroles, que ce soit des actions, que ce soit des individus. Hein, quand on dit des individus, c'est-à-dire des kuffars, des mushrikines, des munafiqines, des mubtadi'a, et ainsi de suite. Tandis que ceux que Allah aime, il les aime. Hein, les croyants, les pieux, les gens qui font le bien, hein, les gens de la sunna. Et ils détestent ce que Allah déteste et ils aiment selon ce que Allah aime. Tandis que, yani, ceux qui ne sont pas des awliya d'Allah, eh bien, ils aiment selon leur passion. Et ils détestent selon leur passion. Hein? Donc ça, c'est pas pour Allah. Après, Cheikh al-Islam, il dit, وَهَذَا لِأَنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَوَالَوْهُ فَأَحَبُّوا مَا يُحِبُّوا وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع. Donc ici Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il élabore là-dessus. Il dit, c'est-à-dire que les alliés d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah, hein, ceux que Allah aime et qu'il protège, ce sont ceux qui ont cru, hein, qui ont cru en lui et qui l'ont pris comme allié, comme protecteur. Et par conséquent, ils aiment ce que Allah aime. Et ils détestent ce que Allah déteste. Et ils sont satisfaits de ce dont Allah est satisfait. Et ils sont en colère vis-à-vis de ce qui amène la colère d'Allah. Et ils ordonnent ce que Allah ordonne et ils interdisent ce que Allah interdit et ils donnent à ceux que Allah aime, à ceux qu'il aime, qu'on, à qui on, il donne à ceux qu'il aime qu'on leur donne. Et ils refusent de donner ou s'abstiennent de donner à ceux que Allah aime qu'on leur refuse ou qu'on ne leur donne pas. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait quelques points de commentaires par rapport à ce passage-là. Donc il dit يرضون بما يرضي الله ويسخطون عما يسخط الله وهذا معنى الولاية الحقيقية. Donc ça c'est la signification de la réelle amour d'Allah. C'est lorsque tu aimes pour Allah, tu te mets en colère pour ce qui met Allah en colère, et tu es satisfait de ce qui satisfait Allah. C'est ça la vraie walaya. C'est ça d'être un vrai wali d'Allah. Et il dit wa amaru bima ya'muru Allah wa nahu 'amma yanha wa la yuthbituna shay'an 'inda anfusihim fayamuruna bi shay'in lam ya'muru Allah bih aw yanhauna 'an shay'in lam yanha Allah 'anhu kal mubtadi'a alladhina ya'muruna bi ashya' الذين يأمرون بأشياء ما شرعها الله أو ينهون عن أشياء قد شرعها الله لعباده هؤلاء مبتدعة. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Donc le cheikh il dit, donc les awliya d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah, ils ordonnent ce que Allah ordonne et ils interdisent ce que Allah interdit. Et ils affirment cela non pas de leur propre personne, mais de ce que Allah a légiféré et révélé. Donc ils n'ordonnent pas quelque chose excepté ce que Allah a ordonné. Et ils n'interdisent pas quelque chose excepté ce que Allah a interdit. Contrairement aux innovateurs, aux mubtadi'a, qui eux ordonnent des choses que Allah a légiféré, que Allah n'a pas légiféré. Ils ordonnent des choses que Allah n'a pas légiféré. Et ils interdisent des choses que Allah a légiféré à ses serviteurs. Donc ceux-là sont des innovateurs. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, eh bien ce sera rejeté. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aisha radiyallahu anha. Ensuite le shaykh il dit a'ta'u man yuhibba Allahu annahu yu'ta kal faqir wal miskin wal ayma wal aytam wa dhawi al qurba wa man amara Allahu bi i'ta'ihim wa amsaku amman naha Allahu an i'ta'ihim min ada'illahi wa rasulihi alladhina yasta'inuna bima yu'tauna ala adawatillahi wa rasulihi. Donc le cheikh il dit, il donne à ceux à qui Allah aime qu'on donne. Et c'est l'exemple qu'il a mentionné, les pauvres, les indigents, les orphelins, les gens qui ont des liens de parenté avec nous, qui sont dans le besoin, ou bien tous ceux à qui Allah nous a ordonné de donner. Et ils se retiennent de donner à ceux à qui Allah a interdit qu'on leur donne, c'est-à-dire les ennemis d'Allah et de son messager, ceux qui vont utiliser ce qu'on leur donne dans le but de s'opposer à Allah et à son messager. Donc ces gens-là, on ne doit pas leur donner. Ensuite, le cheikh il explique un autre hadith que Ibn Taymiyyah a mentionné. Il dit kama fi at-Tirmidhi wa ghayrihi 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala awthaqu 'ura al-iman al-hubb fillah wal-bughd fillah. Et donc At-Tirmidhi et d'autres ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'anse la plus solide de la foi, c'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. L'anse la plus solide de la foi, c'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak et Al-Bayhaqi dans Al-Sunan Al-Kubra et Al-Tayalisi et Al-Tabarani dans Al-Kabir, et c'est rapporté selon Al-Bara ibn Azib et d'autres également parmi les Sahaba. Il est rapporté par l'imam Ahmad aussi dans une autre narration semblable et d'autres également. Donc c'est pour dire ce hadith il est très célèbre, il est connu, c'est yani un hadith que les ulama ils mentionnent tout le temps au sujet de l'amour, hein, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Ça c'est la lance la plus solide de la foi, c'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith en disant يعني أقوى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عرفنا فيما سبق أن محبة العبد لله من أعظم أنواع العبادة وكذلك محبة من يحبه الله ورسوله وأنبياؤه وعباده الصالحين فهو يحبهم لأن الله يحبهم لا لطمع دنيوي ولا لغرض نفسي ولا لهوى وإنما يحبهم لأن الله يحبهم وكذلك البغض لا يبغض بحسب هواه أو رغبته وإنما يبغض من يبغضه الله عز وجل والله يبغض الكفار والمنافقين ويبغض أهل المعاصي والسيئات فهو يبغضهم ويعاديهم فيوالي من يوالي الله أو من يوالي الله ويعادي من عاد الله سبحانه وتعالى لا تتخذ عدوي وعدوكم أولياء إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فهم لا يوالون هؤلاء ويعادون الكفار والمنافقين والمخالفين لأنهم أعداء لله فهم يعادونهم لأن الله عدو لهم قال سبحانه وتعالى فإن الله عدو للكافرين فلا يمكن أن تحب الكفار والله يبغضهم وقد عاداهم. Donc le cheikh il dit que la lance la plus forte ou la plus solide de la foi c'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. On a su, hein, comme c'est mentionné dans ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on a su dans ce qui a été mentionné précédemment, dans les cours précédents, que l'amour du serviteur pour Allah, c'est une des plus grandes formes d'adoration. Et, Naam, c'est une des plus grandes formes d'adoration, et de même que l'amour de ceux que Allah aime, ainsi que son messager, et ses prophètes, et ses serviteurs pieux, alors tu l'aimes toi aussi. C'est-à-dire d'aimer ce que Allah aime, ainsi que ce que ses messagers, ses prophètes, ses serviteurs pieux aiment, toi aussi tu l'aimes, parce que Allah les aime. Et tu les aimes pas pour une convoitise ou quelque chose dans la dunya. Tu les aimes pas pour quelque chose de la dunya ou pour un intérêt personnel, ni pour une passion, mais tu les aimes uniquement parce que Allah les aime. Et de même que la haine et le fait de détester, tu n'as pas le droit de détester selon tes désirs et ta passion, ou selon yani, tes intérêts, mais tu dois uniquement détester pour Allah, en détestant ce que Allah déteste, Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala déteste les kuffars. Il déteste les munafiqines, les hypocrites, les mécréants, et il déteste les gens qui font des péchés, qui désobéissent à ses ordres, et les mubtadi'a, hein, les gens de bid'a, parce que les gens de bid'a, ils désobéissent à Allah et à son messager, et ils légifèrent dans la religion d'Allah, ce que Allah n'a pas légiféré, hein. Donc il déteste ces gens-là pour Allah. Et il les prend en animosité pour Allah, et il aime ce que Allah aime et il déteste ce que Allah déteste. Et Allah il dit dans le verset 1 dans Surat Al-Mumtahana, et on l'a lu dans les cours précédents, que ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme allié. Et dans l'autre verset que le Cheikh a cité, le verset 55 dans Surat Al-Ma'idah, vos alliés sont uniquement Allah, son messager et ceux qui ont cru, ceux qui établissent la salat, qui donnent la zakat alors qu'ils sont inclinés dans la prière. Donc les croyants aiment cela, Et ils défendent cela, et ils supportent cela, et ils opposent les kuffars et les munafiqin, et ceux qui contredisent la religion d'Allah et les messagers et les prophètes, parce qu'ils sont des ennemis d'Allah. Donc ils s'opposent à eux, parce que Allah est un ennemi de ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 98, dans surat al-Baqarah, فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ. Car Allah est un ennemi des mécréants, des kafirines. Et il n'est pas possible d'aimer les kuffars, car Allah les déteste. Hein? Et il les déteste et il a de l'animosité contre eux. Mais comme on l'a expliqué plusieurs fois, déjà dans les cours précédents, même Cheikh Al-Fawzan il l'a dit, c'est pas parce que tu les détestes que ça veut dire que tu as le droit de leur faire du tort ou de d'être injuste envers eux ou de leur faire du mal, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne clairement dans le verset dans surat al-mumtahana. Il dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures et ne vous ont pas combattu dans la religion, ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Allah aime ceux qui sont justes. Le Cheikh il dit ensuite وَفِي حَدِيثٍ آخَرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, hein, et Ahmad dans la Musnad et d'autres également, qui dit celui qui a aimé pour Allah et qui a détesté pour Allah et qui a donné pour Allah et qui a refusé pour Allah, il a complété sa foi, il a certes complété la foi. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith, il dit man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman wa man naqasa shay'an min dhalik naqasa imanuhu. فإذا كان على هذا الميزان يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله ويعطي من يحب الله أن يعطى ويبغض من يبغض الله ويمنع من يحب الله أن يمنع فهو يعطي ويبذل المال في طاعة الله لا يبذله لأعداء الله عز وجل ومن يبغضهم ومن يبغضهم الله فهذا استكمل الإيمان وإذا نقص شيء من ذلك نقص إيمانه. Le Cheikh il dit celui qui a aimé pour Allah, qui a détesté pour Allah, qui a donné pour Allah et qui a retenu pour Allah ou qui a refusé pour Allah, il a complété la foi. Donc, et celui qui a eu un manque dans quoi que ce soit de ces choses-là, eh bien ça signifie que sa foi et a diminué aussi. Si quelqu'un n'a pas été complet dans ces choses-là, ça veut dire aussi que sa foi elle diminue par rapport à ce qu'il a manqué dans ces choses-là. Et donc, si la personne elle est sur cette balance, qu'elle aime pour Allah, elle aime ce que Allah aime, elle déteste ce que Allah déteste, elle donne à qui Allah aime qu'on donne, elle déteste celui que Allah déteste, elle refuse de donner à celui que Allah aime qu'on lui refuse. Elle donne et elle dépense de ses biens dans l'obéissance d'Allah. Et elle ne dépense pas pour les ennemis d'Allah. Hein? Ou pour ceux que Allah déteste. Alors celui qui agit ainsi, il a complété la foi. Et celui qui a diminué dans quoi que ce soit de cela, alors sa foi a diminué par conséquent. Dans cela aussi. Le Cheikh il dit فَالْوِلَايَةُ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ. الولاية بالكسر السلطان والولاية بالفتح والكسر النصرة والولي ضد العدو يقال تولاه يعني وكل من ولي أمر واحد فهو وليه والمولى المعتق والمعتق والمعتق المعتق والمعتق المعتق والمعتق. قال ابن السكيب أو ابن السكيب الولاية بالكسر السلطان والولاية والولاية النصرة. نعم. Donc ça c'est des notions linguistiques. Al-wilaya avec la kasra, ça désigne le pouvoir, pouvoir politique, l'autorité. Avec la kasra, wilaya, ça désigne al-wilaya, ça désigne le pouvoir politique. Al-sultan. Tandis que al-walaya ou al-wilaya, ça peut être utilisé dans le sens al-wilaya, en fait al-walaya avec la fatha, hein, c'est dans le sens de du support et de la défense, et al-wali c'est le contraire de l'ennemi, hein, al-wali c'est le contraire de l'ennemi. Tawallahu, hein, on dit tawallahu, qu'il l'a pris, il l'a défendu, il l'a pris comme allié. Et quand il dit ici al-wilaya ou al-walaya, ça peut être al-nusra, c'est-à-dire la défense. Tu peux utiliser les deux pour la défense. Mais al-wilaya, ça peut aussi vouloir dire avec la kasra al-sultan. Mais ici, ça peut avec la kasra, ça peut vouloir dire les deux, tandis qu'avec la fatha, ça veut dire le support, le fait d'aimer, de supporter, de défendre. C'est ça que ça veut dire avec la fatha, d'accord? C'est ça, avec la fatha, ça veut dire le fait d'aimer, supporter, de défendre, hein. Et on peut utiliser avec la kasra dans le même sens aussi. On peut l'utiliser avec la kasra dans le même sens. Et le cheikh, il dit que al-mawla, ça peut vouloir dire le maître. Ça peut vouloir dire l'esclave. Mais en réalité, al-mawla, c'est le maître qui libère son esclave, et al-mu'tiq et al-mu'taq. Al-mu'tiq, c'est celui qui a libéré l'esclave. Ataqa, ça veut dire il a libéré l'esclave. Donc al-mu'tiq, c'est celui qui fait l'action avec la kasra, et al-mu'taq, c'est celui qui a été libéré, celui qui subit l'action. Donc al-mu'tiq c'est al-fa'il et al-mu'taq c'est al-maf'oul. OK, donc le cheikh il dit al-wilayatu diddu al-adawa wa aslu al-wilayati al-mahabbah wal-qurb wa aslu al-adawati al-bughd wal-bu'd. Al-bughd wal-bu'd. Wa qad qila inna al-waliya سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعته لها والولي القريب فيقال هذا يلي هذا أي يقرب منه. Ici Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il explique le sens littéral ou le sens linguistique du mot walaya ou wilaya. Et il dit ici que ça, c'est le contraire de al-adawa. Al-adawa, c'est l'animosité, la haine. Donc, al-wilaya, c'est le contraire de al-adawa. Al-wilaya, c'est le contraire de al-adawa. Il dit qu'à la base, al-wilaya signifie al-mahabba. Hein? Al-mahabba wal-qurb. L'amour et la proximité. C'est ça que signifie al-walaya ou al-wilaya. Et à la base, de la base de al-adawa, c'est al-bughd wal-bu'd, c'est le contraire. Al-walaya, c'est al-mahabba wal-qurb, l'amour et la proximité. Et al-adawa, c'est le contraire, la haine et l'éloignement. الموالاة والمعاداة. Il dit, وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْوَلِي. On dit également que le wali, on l'appelle wali. Il y a une fourmi sur le micro. Non, c'est une fourmi. نعم. الولي القريب. قيل إن الولي سمي وليا لموالاته للطاعات. أي متابعته لها. الولي, on l'appelle ولي, pourquoi? Parce qu'il est proche des il suit les actes d'obéissance. Et الولي, on l'appelle aussi, il signifie القريب, celui qui est proche. C'est pour ça souvent que je traduis le wali d'Allah, le serviteur rapproché d'Allah. Parce que al-wali, ça veut dire al-qarib, celui qui est proche, celui qui est aimé. Puisque al-wilaya, c'est al-mahabbat ou al-qurb, l'amour et la proximité. Et donc, il dit, en arabe, on dit, hadha yali hadha. En arabe, on dit, hadha yali hadha. C'est-à-dire, ceci suit cela. Yali. Wala yali, ça veut dire ceci suit cela, ça veut dire c'est proche de. Fahimtum? Et non, je vais faire une photo, je vais vous l'envoyer sur le groupe, comme ça vous allez voir. J'ai vu le frère Moussa Richardson, hafidhahullah, quand il donne ses cours, il a un projecteur. Il a un projecteur. Et il projette la page qu'il est en train d'expliquer sur le mur pendant qu'il est en train d'expliquer. Comme ça, les élèves peuvent voir le texte en même temps qu'il est en train de l'expliquer. Et ça, ça aide. C'est très bénéfique aussi. Donc, peut-être que dans l'avenir, on essaiera de faire ça, Inch'Allah. De se procurer un projecteur, puis de faire en sorte de projeter. Oui, effectivement, parce que c'est très important d'apprendre le vocabulaire arabe, surtout le vocabulaire religieux, pour être capable de mieux comprendre les significations. Et j'aime ça des fois quand j'explique un terme, que en même temps je donne des exemples, je mentionne le singulier, le pluriel. Et je donne des exemples. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Cheikh al-Fawzan, il explique maintenant. Il dit, هذا تفسير للولاية بفتح الواو وهي ضد العداوة والولي من الولي وهو القرب وهو القرب الولي وهو القرب فلان يلي فلانا يعني يقرب منه والذي يليك في الصف يعني يقرب منك ليلني منكم أولو الأحلام والنهى فالولاية في اللغة القرب من الشيء ووليه يعني قرب منه وليه يعني قربه أو قرب منه وطاعة الله تسمى الولاية لأنها تقرب إلى الله. Donc le Cheikh Al-Fawzan il rajoute des clarifications encore plus sur la signification linguistique de ce terme al-wilaya. Il dit que ça signifie avec la fatha le contraire de l'animosité. Al-wilaya, c'est al-mahabba, c'est l'amour. Et al-waliyu min al-wali, ça veut dire celui qui est proche, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu dis fulan yali fulan, un tel est proche de un tel. Il dit celui qui est derrière toi dans les rangs, celui qui est derrière toi dans les rangs, c'est-à-dire celui qui est proche de toi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. C'est-à-dire que ceux qui me suivent, qui soient derrière moi ou qui soient proches de moi dans la prière, soient ceux d'entre vous qui avaient la compréhension et la compréhension et la raison. C'est-à-dire, dans les rangs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insistait pour que ceux qui soient derrière lui soient les plus savants du Coran et qui connaissent mieux la religion, pour que si jamais il y a quelque chose à corriger, ils le corrigent pendant la prière s'il y avait quelque chose. Ou si jamais, par exemple, l'imam il a un accident ou quelque chose qui lui arrive, il tombe sans connaissance pendant la prière, ou bien il perd son wudu pendant la prière, la personne qui est derrière, elle va savoir comment faire pour continuer la prière avec lui, hein, à sa place plutôt. Et le cheikh il dit, donc la signification de al-walaya dans la langue arabe, c'est la proximité. La proximité de quelque chose. Waliyahu ya'ni qaruba minhu. D'accord ? C'est-à-dire quand il est proche de lui, comme on l'a dit tout à l'heure. Et l'obéissance d'Allah, on l'appelle walaya aussi, parce que c'est un rapprochement d'Allah. Hein? Donc c'est le sens de la langue arabe, dans le sens linguistique. Al-walaya, c'est dans ce sens-là. Le cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite, en expliquant le fait que al-adawa, al-burdu, wal-bu'd. Hein, al-adawa, c'est al-burdu, wal-bu'du. Hein, la haine et l'éloignement. Il dit, هذا أصلها في اللغة. Par rapport à al-mahabba, wal-qurb. Hein, al-walaya, c'est l'amour et la proximité. هذا أصلها في اللغة al-mahabba, يعني والاه, يعني أحبه, وقرب منه. المؤمن قريب من الله سبحانه وتعالى والكافر والمنافق بعيد عن الله فليس وليا لله. Donc ça c'est à l'origine la signification de al-walaya, c'est l'amour. Et donc quand on dit walahu, c'est-à-dire qu'il l'aime, qui est proche de lui, et le croyant il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que le kafir et l'hypocrite, le munafiq, il est loin d'Allah. Il n'est pas un wali d'Allah. Ensuite, l'autre point que le cheikh il explique, il dit wa kadhalika min ma'ani al-walaya muwalatu at-ta'ah wal mutaba'atu laha tul hayatihi la yatrukuha fi waqtin wa yaf'aluha fi waqtin wa inma yuwaliha hasba istita'atihi. Allah azza wa jalla qala li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. يعني تواصل, تواصل العمل, لكن من غير تشدد وغلو وإنما باعتدال واقتصاد كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. من يجتهد في الطاعة في وقت ويتركها في وقت آخر فهذا, ليس فهذا لم يوالي العبادة فهذا نقص في ولايته لله عز وجل. والأول أنها من القرب والطاعة أصح من متابعة العمل والاستمرار عليه. Donc le cheikh il explique ensuite que parmi les significations de al-walaya, c'est le fait de rester, hein, de faire suivre l'obéissance et de suivre dans l'obéissance toute notre vie, et de ne pas la faire pendant une partie, de l'abandonner dans une autre partie, et de continuer à faire l'adoration selon notre capacité. Et Allah a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, verset 99 dans sourate Al-Hijr. Et il dit, c'est-à-dire de continuer et de persister à faire, hein, de suivre l'adoration, sans toutefois tomber dans l'extrémisme ou dans l'exagération, et en restant dans la modération et dans le juste milieu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué. Et il dit ensuite, celui qui fait des efforts dans l'adoration à un certain temps, puis qu'il délaisse à un autre temps, eh bien ça veut dire que il n'a pas fait suivre l'adoration. Il n'a pas fait suivre l'adoration. Donc il a une déficience dans son il a une déficience dans son rapprochement d'Allah et dans son amour d'Allah. Et il dit que le premier point, qu'est-ce qu'on a mentionné du fait que c'est la proximité et l'obéissance, c'est plus exact que le suivi dans l'action et de persister à le faire. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a expliqué donc ces hadiths-là aujourd'hui. On va s'arrêter ici, puis on expliquera d'autres hadiths dans le prochain cours, inshallah, à propos de cette signification-là. Et le cheikh, il va continuer à donner d'autres définitions et d'autres explications du terme wali et awliya et qu'est-ce que ça signifie. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.